Ok, encore une chanson qui se dédicace à la meuf que j'aime. Sauf que cette fois-ci, je crois qu'il y en a plusieurs. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais je crois qu'il y en a pas du tout. Hein. Qu'est-ce que tu en dis? C'est moi qui fais les meilleurs trucs. Et toi là, la petite salope là, qui a pas voulu sortir avec moi. D'abord y'avait que c'était ça qui m'intéressait. Le reste j'en ai rien à foutre, je veux que t'es libre. Putain, redonne-moi ces bouteilles. Non mais vas-y calme-toi, t'as ta gueule Brian. D'abord c'est moi le meilleur, on est tous des putes. Et je vous en donne un essai. Donne-moi la batte. Reste-tu? Donne-moi la batte. T'as rejoint moi. Donne-moi la batte.